Stephen King aime faire la blague, tire sur mon doigt. Stephen King ne veut pas un whisky d'abord. Stephen King a écrit Le doigt télescopique et Ken Myers l'a adapté. Tous et à toutes, bienvenue dans le vidéoclub de Castle Rock. Je suis avec Chris, salut. Les introductions de ce podcast sont de pire en pire, salut. Oui, bah, il va être temps de passer à autre chose un jour ou l'autre. Non, celle-là, c'est des références, c'est culturel, voilà. Oui, c'est culturel, oui. Comment vas-tu du coup? Bah écoute, ça va, c'est des vacances, donc ça va. J'allais demander si tu en profitais, mais elles viennent de commencer. C'était hier oui, que t'étais en vacances. C'est ça. Hier au soir. La magie de la temporalité, j'ai vérifié, fait que même quand vous verrez cet épisode, j'y serai toujours. Je serai dans ma dernière semaine, mais j'y serai toujours. Ah oui, t'as pris 3 semaines du coup. Ouais. D'accord. Ouais, ça fait une bonne coupure. Ah oui, oui. Ça permet de lâcher la pression, quoi. Ouais, de passer un peu de temps en famille, ça va pas te faire de mal. C'est ça. Regarder des bonnes grosses daubes avec la progéniture, c'est parfait. faut les éduquer tôt. Lui lire à haute voix des nouvelles de King, parfait. Pour l'instant, il n'est pas capable de comprendre, mais ça infuse quand même. C'est ça, c'est comme un bon thé, il faut attendre le temps que ça infuse. Ouais, voilà, il faut s'y mettre très très tôt, c'est normal. Donc, bah, y a pas vraiment de nouvelles depuis la dernière fois, depuis la semaine dernière où on avait enregistré le précédent épisode. Donc, je propose qu'on se lance tout de suite. Du coup, Le doigt télescopique, c'est une nouvelle de rêve et cauchemar. Elle est pas bien longue et son adaptation non plus, puisque c'est dans une série d'anthologie et l'épisode fait 25 minutes. Mais on va spoiler quand même si jamais vous voulez absolument le lire avant. Exactement. C'est parti ? C'est parti ! Donc, bah, comme avec beaucoup de nouvelles, ça va aller assez vite pour expliquer. Ça nous raconte l'histoire d'un homme qui a un emploi banal de bureaucrate, qui s'appelle Howard, qui un soir, alors qu'il est devant Jeopardy, son émission préférée, entend gratter dans la salle de bain et il se rend compte qu'il y a un doigt, un très très long doigt, qui est en train de sortir de la bonde du lavabo. Et alors que personne d'autre que lui ne voit le doigt, il va chercher comment buter, parce que ce doigt-là sort de plus en plus et devient menaçant. La nouvelle, elle est publiée d'abord dans le numéro de décembre 90 de The Magazine Fantasy and Science Fiction, puis elle est recueillie dans Rêve et Cauchemar un peu plus tard, et King en parle vite fait dans la postface, mais il explique pas vraiment l'origine de la nouvelle. Il en profite juste pour dire qu'il aime bien ces nouvelles où il arrive quelque chose de totalement inexplicable et de totalement injuste à un personnage, sans qu'il y ait de raison particulière. Il n'y a pas de raison qui fait que ça tombe sur lui plutôt que sur un autre, et sans que le récit à la fin soit porteur d'une morale, que ce soit juste bah, un truc nul arrive à quelqu'un. Et c'est abordé d'ailleurs par Howard à un moment de la nouvelle, il dit que c'est pas juste ce qui lui arrive. Oui. Donc voilà, il voulait retrouver un peu ce style de nouvelle avec certaines de celles qu'il a écrites pour Rêve et Cauchemar. Mais c'est tout ce que j'ai dessus, parce que c'est pas une nouvelle qui est particulièrement abordée par les gens qui commentent sur le recueil. Elle passe un peu inaperçue. Et donc on va pouvoir passer à nos avis. Je t'écoute. Eh ben écoute, c'est une nouvelle qui se lit plutôt bien, qui est plutôt bon enfant, contrairement à d'autres nouvelles du recueil, elle est plutôt orientée comédie horrifique. Hein. Au bout d'un moment, ça commence un peu à faire couler le sang, mais quand même dans la retenue. C'est très gaguesque en fait, c'est très Looney Tunes cartoon, en termes de ce qui se passe et de récit pur. Les personnages un peu foufous aident aussi à cette sensation de grand n'importe quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Elle est peut-être un brin longuette, je Ouais. trouve, comme nouvelle. Mais en effet, elle est drôle. C'est clairement une nouvelle écrite pour être comique plutôt que pour vraiment faire peur. Ne serait-ce que parce que son concept est de toute façon totalement absurde tout de Oui. même. Le personnage principal est suffisamment détestable pour qu'on puisse rire de tous les malheurs qui lui arrivent. Il n'est pas particulièrement sympathique tout de même, Howard, Non, parce qu'il même s'il est insulte plutôt tous les rigolo. candidats de son émission préférée tout le temps, c'est très méprisant comme comportement. Oui, c'est ça. Et ça commence sur des bouleversements suffisamment légers autour du doigt pour que, bah, encore une fois, on ait envie de rire de lui. On y reviendra avec une fin, en effet, où il part totalement en youk, où il se met à hurler sur tout le monde. Oui. Et donc, ça marche bien. J'aime bien l'état d'esprit de cette nouvelle. Oui. Et effectivement, j'aime bien sa gratuité. Le fait que, bah, voilà, c'est arrivé et à la fin. Il n'y a personne qui a rien appris, il n'y a personne qui a rien compris, c'est juste un événement qui est arrivé. Elle fait penser du même recueil dans ce sens-là au dentier claqueur. Ouais, effectivement, on peut largement la rapprocher du dentier claqueur, même dans l'ambiance, elle est assez légère, le dentier claqueur, quand même. Ouais, elle est peut-être un peu plus horrifique en termes de ce qui se passe dedans, mais effectivement, elle est quand même très très orientée comédie horrifique. Ouais. C'est globalement pas le recueil que je trouve le plus effrayant, Rêve et Cauchemar. Il y en a quelques-unes, hein, mais c'est pas celui où ça me marque le plus. Non, clairement pas. Je suis d'accord. Et oui, tu l'as abordé, effectivement, la nouvelle est malheureusement un peu trop longue. Pour son propre bien. Elle fait une quarantaine de pages et clairement, il y a vraiment des passages où ça aurait pu être enlevé. Ouais. Et on y reviendra plus tard parce que ça a été la bonne décision de l'adaptation, justement, je trouve. Oui, en effet, elle est plus rapide. Bah, en même temps, ils avaient que 20 minutes. Ça les a forcés à faire ça aussi. Donc oui, c'est au début, en fait, les problèmes que va avoir Howard. Déjà, il va croire que c'est un rat au début, etc. Et les premiers problèmes que va avoir Howard, c'est qu'il est incapable de faire ses besoins quand il est observé, et il se sent observé par le doigt. Oui. Et là, pour le coup, je trouve ça rigolo de développer ça entièrement par l'humour, dans un premier temps. Le doigt n'est pas vraiment une présence horrifique au départ. Non, pas du tout. Et c'est marrant d'utiliser justement ce moment quotidien de la vie de chacun pour appuyer sur l'étrangeté de la situation qui commence à arriver. Parce que, comment dire, ce n'est pas que le personnage qui ressent ce genre de choses. Le fait de ne pas pouvoir uriner. En étant caché des regards. Oui, c'est quelque chose qui arrive à pas mal de monde, effectivement. Bah, globalement, King a toujours quand même pas mal tendance à ancrer son horreur dans le quotidien, hein, mais oui, ça marche bien ici. De là à dire qu'il aime bien le pipi caca, il n'y a qu'un seul pas. C'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez récurrent, hein, on va pas se Chez lui, mentir. oui. Mais donc voilà, il se sent épié, donc du coup, bah, il fait ça comme un gros dégueulasse dans la ruelle juste à côté de son immeuble. Bah, et dans l'évier aussi, à un moment. Oui, ça c'est plus tard dans la nouvelle. Ouais, c'est. Effectivement, il multiplie les endroits où aller uriner pour juste pour pas le faire sous le regard du doigt. Mais il y a ce petit moment honteux où il est dans la ruelle et il se pose la question de putain, et si quelqu'un arrive, et si c'est un voisin, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce que. Voilà. Fallait aller dans une ruelle un peu plus loin. Ah oui, Il fallait pas faire choisit mal ça. aussi, Fallait ouais. pas faire ça à côté de chez toi, quoi. Ouais. Par contre, je trouve la relation avec sa femme plutôt pas mal. Elle n'est pas énormément présente au final comme personnage, mais je trouve qu'ils ont une espèce de côté vieux couple, de complicité, tout en se balançant régulièrement des piques, mais pas Ouais. méchantes, qui marchent assez bien dans leur écriture. Ils ont effectivement, je trouve, je suis d'accord, une très bonne alchimie. Ça colle vraiment bien. Et il le décrit hein, tout au long de la nouvelle, enfin, pas tout au long de la nouvelle, mais en tout cas sur la toute première partie, quand sa femme est plus souvent là. Toutes ces petites mimiques qu'elle a, tous ces petits tics de langage, le fait qu'elle aime bien faire des jeux de mots. Il en parle et il en parle de manière assez affectueuse. C'est Ouais. plutôt bienvenu. Des jeux de mots complètement foireux, a priori. Oui, en général, oui, des calembours totalement tirés par les Ouais. cheveux. Ça me rend le personnage attachant, moi, ça. Oui, Ça moi suffit. aussi. Et puis elle est aux petits soins quand même avec lui, quand en fait lui commence à vriller un peu avec l'apparition du doigt, donc elle prend ça pour les premiers signes d'une espèce de grippe. Et elle lui dit attention, on va pas travailler demain, faire gaffe. C'est mignon quoi. Oui, elle est plutôt attentive elle est à son prévenante. état, effectivement, ouais. Même si, bien sûr, il peut pas lui expliquer quel est le problème exact. Parce qu'elle, elle le voit pas. À chaque fois, le doigt se Oui. retire quand c'est quelqu'un d'autre que lui qui entre dans la salle de bain. Et d'où le côté comique de la nouvelle, et le côté Oui. vraiment Tex Avery pour le coup. Oui. Oui, je pense que King avait bien conscience qu'un doigt géant qui sort de l'évier, c'est quand même pas le truc où tu vas faire une histoire méga sérieuse autour de ça. Oui, parce qu'on l'a pas précisé, le doigt télescopique, parce que le doigt s'allonge au fur et à mesure de l'avancée de l'histoire. Oui, c'est ça, à la fin il fait plusieurs mètres, il a des dizaines de phalanges qui lui permettent de se replier encore et encore Ah, ça doit être dans tous horrible. les sens. C'est vrai que ça ne doit pas être très joli à voir, hein. Mais du coup, effectivement, il va avoir une idée pour. Enfin, il va décider finalement de combattre le doigt parce qu'il commence à être très énervé par la situation. En Oui. commençant par. Alors, il va acheter deux trucs à la fois. Son Oui. plan initial, c'est juste du débouchévier, en gros. Ce qui paraît logique comme premier Ouais, choix. ce qui est plutôt logique. Mais il en profite pour acheter une sorte de sécateur électrique parce qu'ils sont en réduction et il se dit bon, autant prévoir. On sait jamais comment ça va tourner. C'est ça, on sait jamais. Au cas où. Et le sécateur, c'est vraiment, il croise le. Enfin, c'est pas un sécateur, c'est plutôt un coupe-haie. Genre, il le croise du regard et il se dit. Ah, Eureka! Il n'y va pas de manière à je vais acheter ça. Il y va à la place Oui. d'épicier, il y va vraiment je vais acheter du débouchévier. Ouais, à la base, c'est du débouchévier super fort. Je pense qu'il y a eu des lois depuis sur le débouchévier, parce que sans machin, ça a l'air d'être vraiment de l'acide concentré. Je pense que c'est surtout que les States s'en battent les couilles. Des trucs un peu sécurité comme ça. Contrairement à nous, pays européens, et notamment notre petite France. Alors sur le plan écologique, je suis d'accord, ils s'en battent les couilles, mais à mon avis, sur le plan sécurité pour les individus, ils sont peut-être un peu plus attentifs, parce que là, vraiment, le machin a l'air... Il est capable de dissoudre la chair, tu le respires, tu t'évanouis presque. J'irais pas respirer mon débouchévier ni me le verser sur la main, mais Oui, je voilà. pense pas que ma main fonde instantanément si ça arrive, tu vois. Non, je pense pas non plus. Après, sécurité du personnel, je sais même pas. Hein. Regarde, quand tu vois toutes les tout ce que eux autorisent en termes rien qu'en termes alimentaires que nous on a tendance à stopper ou alors à mettre dans des quantités plus raisonnables parce qu'on sait que ça représente quand même un danger à un moment. Ouais. Mais donc voilà, bah, il verse plus ou moins de l'acide dans son lavabo, ce qui va effectivement bien attaquer le doigt, mais pas le neutraliser complètement. Non, ça a bien énervé le monsieur qu'a le doigt, quoi. Oui. On peut se demander si finalement c'est pas ça qui fait vraiment dégénérer la situation, parce que le doigt, encore une fois, il est présent, il est blagueur, il est pénible, mais il est pas énormément menaçant pendant Non, toute la première partie de la nouvelle. limite, il fait des blagues plus qu'autre chose. Ouais, on peut se demander si c'est pas cette étape qui fait tout partir en live. C'est fort possible. Moi, ça me ferait partir en live, en tout cas, si c'était mon doigt. Mais je m'amuserais pas à faire ce Oui. qu'il fait. Bah, Pour autant. je sais pas si t'es assez agile déjà. Non, mais si j'avais un doigt télescopique, voyons. Ah oui, si t'avais un doigt télescopique, ouais. On sait jamais, ça peut arriver, hein. Et bah, du coup, il va utiliser le coupe-et, au final. Ouais. Et c'est là qu'effectivement, la nouvelle part complètement en live, devient du gore, encore une fois, très fun, avec Ouais. lui qui braille partout et son voisin qui débarque à la porte. Parce qu'il entend les hurlements, donc il se demande ce qui se passe. Il y a tous les autres voisins qui sont rameutés, la police. Ça part totalement en couille. Ouais. Ne braillez pas sur vos voisins à travers la porte, ça met une ambiance bizarre après. Ouais, c'est très désagréable. Ouais, je l'ai déjà fait. De quoi te faire brailler dessus ou brailler? Non, brailler sur un voisin à travers une Ah! porte. Est-ce qu'il foutait le bordel? Non, parce que c'était un connard, j'ai appris plus tard qu'il était flic en plus, qui, dès que je marchais même pieds nus chez moi, venait se plaindre du bruit. Ah! C'était vraiment un sale con. Eh ben on lui souhaite de rencontrer un doigt télescopique. Non, on lui souhaite de se prendre un pavé en manif surtout. Lancé par un doigt télescopique. Lancé par un doigt télescopique. Mais donc oui, la nouvelle entre dans une phase action fun qui, je trouve, marche bien. Ouais. Et on verra, elle est moins adaptée pour le coup, cette partie-là. Et bah la fin, je te laisse en parler. Donc la police débarque et rentre dans l'appartement, suivi par le voisin qui a averti en mode ah ben c'est moi qui ai averti, je veux quand même savoir ce qui se passe. J'aime bien ce petit échange avec le policier qui lui dit bah, comment ça, tu t'es cru dans une série télé, casse-toi. Ça m'a bien fait sourire, bref. Oui. Et du coup, le policier débarque dans la salle de bain où il découvre une scène de cauchemar avec du sang partout. Et s'ensuit une discussion plutôt rigolote entre le personnage et le policier. Et Oui. avec ce passage très intrigant, justement, il soulève le fait que bah une main, ça n'a pas qu'un seul doigt. Ouais, pour le coup, j'aime bien ce passage-là. En fait, j'aime bien dans les œuvres horrifiques quand t'as un tout petit truc qui est pas développé mais qui te fait envisager que la menace peut être beaucoup plus ample que ce que t'as imaginé Oui. d'abord. Et là, finalement, c'est ça. Effectivement, une main, ça a 5 doigts. Et normalement, une personne a 2 mains. Et du coup, ça peut multiplier largement le nombre de doigts, ouais. Ça. Et à un moment, il parle aussi du fait que les salles de bain modernes d'aujourd'hui ont plusieurs points d'accès via des canalisations. Oui. Juste avant qu'un bruit ne se fasse entendre depuis la cuvette des toilettes, le policier, au début, ne sait pas quoi faire, il se pose des questions, avant de finalement décider d'ouvrir l'abattant des toilettes, et c'est sur ça que ça se termine. Ouais. Et je trouve cette fin. Pas si frustrante que ça, puisque justement le côté comédie est tellement présent, le côté slapstick est tellement présent tout au long, que finalement ça colle parfaitement. Sur une nouvelle plus vraiment centrée horreur pure, j'aurais trouvé ça frustrant, mais là ça fonctionne. Oui, c'est ça. Surtout que même sur la toute dernière phrase, c'est écrit de manière plutôt drôle. Oui, il mit y a le une paquet forme de ou quelque chose comme légèreté ça. dans l'angle. Oui, c'est ça. Il saisit le bord du siège et mise à le paquet, effectivement. Voilà. Donc ça veut rester dans le pur divertissement jusqu'au bout. Tu vois, c'est le genre de nouvelle où finalement je me demande pourquoi elle n'a pas été rechoisie pour être adaptée dans Rêve et cauchemar. Parce qu'elle aurait pu avoir sa place. Elle aurait peut-être Oui, été plus totalement. pertinente qu'une nouvelle comme Le Cinquième Quart, tu vois. Oui, totalement. Avec, pour le coup, vu que c'est pendant 40 minutes, bah, tu peux développer plus. Et pourquoi pas, du coup, pousser l'idée en mettant plus d'un doigt, justement, Ouais. sur la fin. Donc oui, effectivement, ça aurait pu être très sympa. Ou même un segment dans un creepshow, hein. Oui, en effet, ça aurait été de la pure nouvelle de Creepshow. Bon, on va voir, hein, l'adaptation a des points communs avec Creepshow, de toute façon, donc c'est de la famille proche. Oui. Mais du coup, sur la nouvelle, c'est tout ce que j'ai à dire. Bah moi pareil, hein, c'est une nouvelle très divertissante qui se lit très bien. Alors, je pense que celle-là, contrairement à certaines, je garderai le pitch et ce qui s'y passe dans un coin de la tête. Mais bon, ça sera pas non plus gravé dans les annales des récits de King, quoi. Oui, je peux comprendre, hein. C'est effectivement pas la plus mémorable. Bon, bah, à ce moment-là, on va passer à l'adaptation. Eh bien, allons-y. Honey, it's family hour. There must be something on. It's Monsters, our favorite show. Shh, it's starting. Le doigt télescopique, ça a été adapté dans la série d'anthologie Monsters. Monsters, c'est une série créée par Richard P. Rubinstein et Mitchell Galin, qui a été diffusée d'octobre 88 à avril 91 aux États-Unis pour la première fois en épisode d'une vingtaine de minutes, pour un total de 72 épisodes. C'était une série en syndication, c'est pour ça que je n'ai pas donné de chaîne de diffusion, c'est-à-dire que c'était produit indépendamment et après les droits étaient vendus à n'importe quelle chaîne qui voulait le diffuser. La série dérive directement de la série Darkseid, en fait, mais en se centrant nettement sur l'horreur, alors que Darkseid allait vers le fantastique de manière plus large et aussi un peu vers la science-fiction. Rubinstein, c'était déjà le producteur de Darkseid, c'est aussi le producteur de pas mal de Romero et adaptation de King, donc on avait déjà eu l'occasion d'en parler. Et c'est aussi le cas de Mitchell Gatlin, que qu'on a revu dans d'autres trucs, même si pour le coup, Monsters et Tales from the Dark Side, c'est relativement le début de sa carrière. Il a aussi travaillé sur Creepshow 2 et durant et après la production de la série Monsters, il sera impliqué sur le film Darkseid, sur Contretemps, Golden Years, bon, voilà, sur Le Fléau, sur Les Langoliers, sur La Peau sur les Os. Donc c'est lui, il va partir de là et après il va travailler sur d'autres adaptations, surtout télévisuelles, de King. Il dit que ses motivations, Rubinstein dit que ses motivations pour faire Monsters étaient que malgré des bons retours, Tales from the Dark Side, on avait surtout mis en avant les scénarios et le casting, plus que les effets spéciaux qui étaient gérés par sa compagnie Laurel Production, et il avait un peu envie de montrer ce qu'il savait faire, lui et son équipe, au niveau des effets spéciaux. Donc il décide d'envoyer une bande démo technique à Tribune Entertainment Company, et les deux compagnies vont s'unir pour lancer Monsters. Donc oui, le principe de Monsters, c'était qu'à chaque épisode, il y avait un monstre différent affronté par les personnages, et donc à chaque épisode, ça permettait de mettre en avant une création de l'équipe effets spéciaux et une manière de l'animer. La production de la série débute officiellement le 8 août 88, littéralement le lendemain de la fin d'une grève des acteurs, et la diffusion débute le 22 octobre, donc c'est une série faite en relatif flux tendu au final. Ouais. Le budget était d'environ 200 000 dollars par épisode, ce qui a priori n'est pas tant que ça pour une série de ce genre-là à l'époque. Chaque épisode commence avec la même séquence d'une famille de monsters se mettant dans la télé pour regarder Monsters. J'ai vérifié plusieurs épisodes, c'est jamais différent, c'est toujours la même chose. Ah, ils auraient pu faire un blague façon le blague du canapé de South Park, des Simpsons. Des Simpsons. Ouais, où je me disais ce serait peut-être des introductions à la façon des contes de la crypte où on revoit toujours le même bonhomme mais où il dit quelque chose de différent pour bien introduire l'épisode à chaque fois. Mmh. Je pense que ça aurait dû être l'idée mais qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour refaire ça à chaque fois, tu vois. Je pense que c'est ça. Sur l'ensemble de la série, il y a en consultant le maquilleur Dick Smith, connu pour son travail sur beaucoup de films fantastiques et horrifiques dont L'Exorciste, et qui a eu un Oscar pour Amadeus, qui est un peu moins orienté horreur, mais qui est bien quand même. Effectivement, oui. The Moving Finger, c'est le dernier épisode de la série. Il est diffusé le 26 avril 91 pour la première fois, et il est réalisé par Kenny Myers et écrit par Haskell Barkin. Chacun des deux a travaillé sur un autre épisode de la série, mais on ne peut pas vraiment dire pour autant que ce sont des réguliers, comparé à d'autres personnes qui en ont fait 5, 6, voire jusqu'à une dizaine. Mm. Ken Myers, le réal, a priori, il est plutôt maquilleur effets spéciaux en temps normal. Il a travaillé sur pas mal de films à différents postes selon l'équipe. On peut mentionner qu'il a pas mal travaillé sur la série Teen Wolf assez récemment, par exemple. Okay. Et il n'a rien réalisé d'autre que les deux épisodes qu'il a fait pour Monsters. Barkin, lui, est décédé en 2013 à 79 ans, donc il était déjà relativement âgé à l'époque de Monsters, et il a travaillé sur des séries toute sa vie. Pas mal de séries d'animation, par exemple dans les années 70, il était sur Scooby-Doo, où il a été sur Jace et les Conquérants de la Lumière, et il a aussi écrit quelques épisodes pour Twilight Zone et Tales from the Dark Side, dans un style du coup similaire à Monsters. Au casting, dans le rôle de Howard, il y a Tom Noonan, principalement un acteur, mais qui pour le coup a écrit et réalisé deux épisodes dans la série. Il a beaucoup joué à la télévision et dans des seconds rôles au cinéma. On peut mentionner qu'il joue un tueur à gages dans Last Action Hero. Mm-hmm. Enfin, il joue un tueur à gages et il se joue lui-même, comme plusieurs acteurs de Last Action Hero, vu le principe du film. Oui. Et il joue le méchant dans Robocop 2, pardon. Mais j'ai pas vu Robocop 2. C'est lointain, comme souvenir. Pareil que c'est pas génial en même temps. Hein. Oui, effectivement. Son épouse, Violette, est interprétée par Alice Playten, qui est créditée à la bande originale d'un film appelé Disco Beaver from Outer Space en 79. Et j'ai un peu envie de voir ça. Et qui sinon est surtout actrice, régulièrement actrice de doublage. Et par exemple, dans le film Legend, c'est elle qui fait la voix de Blix, le chef des méchants gobelins. D'accord. Je sais qu'il y a des gens qui considèrent Legend comme un film occulte. Je les juge fort, mais je précise quand même pour eux. t'es vraiment cruel, quand même, comme garçon. Alors, un peu tristement, par contre, déjà, elle est morte assez jeune, à 63 ans en 2011. Mais surtout, sur son Wikipédia, il y a indiqué que son rôle le plus mémorable serait été celui d'une épouse qui fait des repas trop gros et indigestes pour son mari dans une pub pour Alka-Seltzer. D'accord. Bon, le bilan de carrière, pas ouf quand même. Effectivement, oui. Tu vois, à la limite, moi je serais la personne qui rédige la page Wikipédia, je préférerais rien mettre que son rôle culte, c'est dans une pub pour Alka-Seltzer, quoi. Oui, c'est vrai que mieux vaut rester vague dans ce cas-là. Le doigt est géré par John Dodd, qui a travaillé sur, alors selon IMDb, 9 épisodes de la série, selon Wikipédia, 18. Mais surtout dans la première saison, il est moins présent sur les 2 et 3. Il a aussi travaillé sur le film Deadly Spawn, plutôt dans sa carrière. Et maintenant, j'ai l'impression qu'il travaille surtout pour le théâtre, alors toujours dans les effets visuels. Et en fait, après Monsters, ses apparitions et ses travaux pour l'écran deviennent rares, et a priori, c'est volontaire. J'ai trouvé une interview de lui qui date d'il y a une dizaine d'années, et il dit qu'il est heureux de pouvoir travailler moins qu'à une époque et de pouvoir trouver un bon équilibre entre le travail et la vie privée. Écoute, total soutien à lui. Ah oui, grand bien lui fasse, effectivement. C'est ce qu'on espère tous. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on recherche tous. Mon bon équilibre étant environ 5% de travail et le reste de vie privée. Oui. Et encore du travail, qui ne finance pas capitaliste. Ouais, alors à la limite, si c'est un travail genre écriture ou compagnie, je suis prêt à travailler plus, il n'y a pas de souci. Je parle de travail salarié, moi. Voilà. Je ne veux pas faire, voilà. Ouais. La musique est de Joe Taylor, 17, précise l'IMDB. Qui a aussi fait la BO de Contretemps, donc on en avait déjà parlé, et la BO de Contretemps était vraiment pas bien. Mmh. Par contre, là, je trouve ça plutôt sympathique, parce qu'il va reprendre le côté slapstick, cartoon de l'histoire et de l'ambiance, et faire une BO qui est pas parmi les meilleures, mais qui peut évoquer les BO un peu des Looney Tunes et compagnie. Oui, c'est ça, avec ça colle vraiment parfaitement bien. Le principal défaut qu'elle est faite qu'au synthé, quoi. Oui. Alors que les Looney Tunes avaient de quoi engager un mini orchestre, mais un petit orchestre quand même. Ah oui, le budget n'était pas le même. Ouais. Le thème principal de la série, il est de Donald Rubinstein, qui avait déjà fait celui de Darkseid et qui a fait les BO de quelques Romero de cette période, en plus de plusieurs albums sans lien avec des musiques de films. Comme une bonne partie de la série, l'épisode est dédié à Tom Allen, un consultant créatif qui avait beaucoup travaillé sur Histoire de l'Autre Monde et un peu sur Monsters avant son décès prématuré lors de la production de la première saison. J'ai pu trouver, l'épisode a une note sur IMDb, il a 5,7, mais je tombe sur des critiques du coup mitigées, au mieux quand j'en trouve. Et dernière précision, j'ai beaucoup vu passer qu'il y a un épisode de Miss Marple qui s'appelle The Moving Finger, donc peut-être qu'il y a un Miss Marple contre le doigt télescopique quelque part, je suis pas allé creuser, mais ça me paraît un bon concept de whodunit. Ah oui, effectivement, oui. Vi, did you ever see something that wasn't there? Not that I know of, dear. But if you did, would you worry? I mean, if it was just once. And then what I saw. Would you love me if I were really crazy? I would love you even more. Howard, what are you talking about? You'll never get to sleep tonight with all that beer inside you. Nous allons pouvoir passer à nos avis. Je t'écoute. Déjà, je voulais souligner la qualité du maquillage et des costumes des trois monstres en tout début d'épisode, donc qui introduisent l'épisode et qui sont devant la télé. Je trouve les costumes super réussis, quoi. Oui. C'est vrai qu'ils ont une vraiment bonne tête. Je me suis dit, ah oui, quand même, il y a quand même au moins un minimum de talent. Tu vois, quand on lance Backstage, quand on lance un film ou un épisode pour ce podcast, bon, en général, on le lance avec beaucoup de transpiration et en se posant des questions. Parce qu'on va voir. Donc, quand on est accueilli par des costumes seconde 2 qui sont vraiment réussis, bon, on est un peu soulagé déjà. On se dit, ah! Qu'est-ce qui se passe? Ça y est, enfin la qualité est là. Et globalement, c'est un état d'esprit qui est resté en moi pendant tout mon visionnage de cet épisode. Parce que c'est plutôt drôle, c'est plutôt fun. Alors, c'est un épisode de série, hein, donc niveau éclairage, bon bah c'est de la série télé, la réalisation elle est assez plan-plan, tout ça. Mais l'ambiance, les petits points de comédie, l'acting, tout ça fait que finalement, j'ai passé un bon moment devant cet épisode. Ouais, je suis plutôt d'accord, effectivement, il y a un certain, une certaine qualité des effets, une certaine qualité du jeu aussi. Ouais. J'aime... Bon, la lumière, en effet, est pas plus travaillée que ça, mais à la limite, vu qu'il y a un ton très comique, ça gêne moins que si ça cherchait à faire de l'horreur, où pour le coup, la lumière participe beaucoup à l'ambiance. Là, oui, c'est totalement. Moins dérangeant, à terme. Mmh. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que la fin soit quand même bien moins too much qu'elle ne l'est dans la nouvelle. Oui, là, elle est très explicite. Il s'énerve un peu, mais il y va moins à fond, par exemple, quand il gueule sur ses voisins... Après, il y a le fait qu'il découpe le doigt, mais ça aurait pu aller plus loin dans le délire, je pense. C'est un peu dommage. Mais en effet, j'ai pas passé un mauvais moment. Comme ça dure 20 minutes, bah, on s'ennuie pas. Et voilà, bah, c'est... En fait, c'est exactement ce que j'attends de bien quand je lance un épisode d'une série de ce genre-là. C'est être diverti pendant une vingtaine de minutes. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc oui, 20 minutes, forcément, ça oblige à des coupes. On avait dit que la nouvelle était un peu trop longue pour son bien. Et bien là, je trouve que vraiment, ce qui a été supprimé, c'est pile poil ce qui prend trop de place dans la nouvelle. C'est-à-dire tous ces dialogues où on s'en fout un peu quand il parle des propriétaires de l'épicerie, le passage où il se rend chez l'épicerie pour discuter du détergent et tout, c'est des passages qui, dans la nouvelle, vraiment ne font pas avancer le truc et qui... au final, amène de la lourdeur à la lecture. Et tous ces passages-là ont été supprimés de l'adaptation, et c'est tant mieux. Oui, là, ça va rester à peu près entièrement dans l'appartement. Il y a une ou deux exceptions, mais ça reste à peu près complètement dans l'appartement. Et c'est en effet plutôt une chouette idée. Comme tu l'as dit, la musique accompagne vraiment très très bien à chaque fois qu'il y a le doigt qui est là. Une musique un peu rigolote. Enfin, c'est un mix entre une musique qui se veut... rigolote, mais également énigmatique sur bah, qu'est-ce qui se passe. Elle est plutôt bien faite, cette musique, je trouve. Elle accompagne très bien les scènes. Ouais, je suis d'accord. L'acteur principal a un look assez improbable. Pareil, ça fait presque de lui une caricature de mec qui travaille dans un bureau, je trouve. Oui. C'est vraiment le personnage, le type lambda qui a rien demandé à personne. Mais en même temps, qui n'est pas suffisamment attachant pour qu'on compatisse vraiment à son malheur. C'est ça. Il est tellement grand. Oui. Comparé à... Surtout que celle qui joue son épouse est pour le coup très petite. Oui, voilà. Et ça joue pas mal là-dessus. Effectivement, ils ont facilement 30 cm de décalage, je pense. Ah oui, facilement, oui. Et du coup, les plans où ils sont tous les deux ensemble sont assez rigolos. Notamment quand elle sort de la salle de bain pour la première fois et que du coup, ils sont face à face. Oui, tu vois vraiment la différence, tu fais « ah oui, quand même ». Il y a quand même un tout petit peu un travail sur la lumière dans les scènes à l'extérieur de la salle de bain où il y a une lumière bleutée, verdâtre des fois qui ressort. Oui. Mais c'est vrai que c'est le seul truc. Pour les moments où il écoute le doigt et où il essaie de comprendre ce qui se passe dans la salle de bain sans entrer pour autant. Ouais. Sinon, en effet, le développement va être à peu près le même. Ça réduit aussi l'importance de Jeopardy, même si c'est présent comme un bruit de fond tout du long. Oui. L'émission oui. Est quand même allumée une partie du temps. Et il a exactement la même réaction que dans la nouvelle. Hein. Il est toujours aussi insupportable. Oui, effectivement. Bah, y a des gens qui sont comme ça hein, face aux émissions de télé. Après, moi, je trouve le personnage de l'adaptation moins détestable que celui de la nouvelle. Enfin, oui, encore moins, détestable, oui. Le mot est peut-être un peu brut quand même. Oui, il est plus antipathique, on va dire, voilà. Dans la nouvelle, que détestable. Le doigt, bah, c'est un doigt, donc là aussi, il y a le choix de pas le faire de manière trop réaliste pour bien avoir conscience que c'est un peu n'importe quoi tout de même cette histoire oui. Et que ça ne se prend pas très au sérieux. Mais je trouve qu'il marche bien. Il est dégueulasse. Oui, il est assez dégueulasse, surtout il est une fois qu'il s'est pris de l'acide dessus. Ouais. Ah oui, là par contre, oui. Il est encore plus gaguesque, je trouve, que dans la nouvelle originale. C'est-à-dire que là, le doigt a vraiment des interactions comme s'il avait des yeux, quoi, avec le personnage oui. Principal. Quand le personnage principal se tourne vers lui pour le regarder, le doigt se tourne vers le personnage pour le regarder. À un moment, quand il a posé le débouche-évier, le doigt s'allonge et il lit lui-même ce qui est écrit sur la bouteille, c'est vraiment rigolo, ouais. Quoi, c'est con. Ouais, bah, ça rappelle un peu, encore une fois, dans les Looney Tunes, quand il y avait un personnage qui regardait à travers un périscope et que le périscope était un peu animé de cette façon-là. Ça m'a rappelé ça au niveau mouvement et comportement. Oui, tout à fait, c'est vrai. Et c'est quelque chose qui me fait pas mal rire, en effet. Mm. Et comme dans la nouvelle, c'est vraiment à partir du moment où il balance le détergent que ça commence à partir totalement aux couilles. Hein. C'est comme dans la nouvelle, hein. Au début, le doigt, t'as l'impression qu'il fait plus des blagues qu'autre chose, quoi. Oui, au début, complètement. Et c'est le détergent qui va vraiment l'énerver. Et quand l'autre va chercher aussi son taille-hé électrique. Oui. Là, pour le coup, alors ça reste du truc télévisuel quand même, mais ça assume bien un côté gore fun. Il y a pas mal de sang partout sur la fin. Ouais. On dirait vraiment une scène de crime et on comprend que les flics qui débarquent là-dedans se disent « Oula, qu'est-ce qui s'est passé ici ?» Est-ce que, pardon ? C'est une policière d'ailleurs qu'on suit à la fin. Oui. Qui découvre la scène du crime. Le dialogue est fortement réduit, contrairement oui. à celui de la nouvelle. Mais la conclusion, elle va plus loin. Oui. Le dialogue est réduit, mais ça laisse quand même pas, ça prend quand même le temps de créer l'ambiance pour quand elle avance vers la salle de bain, etc. Oui. Et qu'elle le trouve dans son coin. Là, ça reprend par contre le dialogue sur une main à cinq doigts, etc. Oui, voilà. Il garde le passage le plus intrigant du dialogue d'origine, par contre. Ouais. Mais là, en effet, ça finit sur un twist qui pourrait ouvrir à la suite, à une suite éventuelle où là, oui, il y a une main qui attaque. Voilà, une main avec des longs doigts, et auquel il en manque un, parce que bah, forcément, le protagoniste a fait son office avec son taille-hé. Mais ouais, je trouve que c'est une manière fun de conclure l'épisode. Oui, totalement, bien plus explicite que, et démonstratif que la nouvelle. Ouais, mais qui visuellement marche peut-être mieux, au final, pour une série de ce genre. Ah oui, puis surtout, quoi, là, on est dans du pur visuel, c'est une série télé, il faut quand même faire quelque chose. Oui, voilà, c'est ça. Il faut conclure en beauté. Surtout que c'est le dernier épisode de la série, donc il faut bien mettre les petits plats dans les grands. Mais ouais, voilà, je passe un moment vraiment fun devant ce film-là, devant cette adaptation-là. Ouais, tout à fait. Un bon épisode. Moi, ça m'a donné envie, du coup, d'en voir plus sur la série d'origine, qui n'est jamais sortie en France, d'ailleurs. Non, mais on les trouve très facilement, pour le coup. Oui. Mais en effet, ça n'a jamais été diffusé en France. Les extraits seront donc en VO. Ils sont tous disponibles sur YouTube. Alors tous, je sais pas, mais en tout cas, il y en a disponibles sur YouTube, pas mal. Oh, ils sont tous. J'ai une chaîne où ils y sont tous. Ok. Bon. Voilà, avec des sous-titres français générés automatiquement. Alors après, du coup, ça, c'est pas toujours qualitatif, mais pour vraiment les anglophobes, ça fait le taf. Qu'est-ce qu'on fait ? On trouve une petite scène ? Ah bah allons-y. Très bien, nous allons donc vous lire et vous passer la fin de la nouvelle et de l'adaptation quand le policier dans la nouvelle et la policière dans l'adaptation arrive dans la salle de bain après avoir traversé l'appartement un peu inquiet. Je lis la version livre de poche, je suis à la page 382, la traduction est de William Olivier Desmond. La porte de la salle de bain était entrouverte. O'Bannon était à peu près sûr que le bruit en provenait, de même que le plus fort de la puanteur. Il s'accroupit et poussa la porte du canon de son revolver. « Oh mon Dieu !» dit-il doucement. La pièce ressemblait à un abattoir à la fin d'une journée de travail. Des éclaboussures de sang dessinaient des guirlandes et des bouquets écarlates sur les murs et jusqu'au plafond. Le sol était couvert de flaques rouges et d'épaisses coulures de sang décoraient l'intérieur et l'extérieur du lavabo. C'était là qu'il semblait y en avoir le plus. Le policier remarqua aussi la fenêtre brisée, la bouteille en plastique de ce qui lui parut être du débouche-tuyau, ce qui expliquerait l'odeur épouvantable, et une paire de chaussures d'homme gisant en deux endroits éloignés. L'une d'elles était très endommagée. Et lorsque la porte eut fini de s'ouvrir, il découvrit l'homme. Howard Mitla s'était recroquevillé dans l'étroit espace entre la baignoire et le mur, après avoir fini son opération d'évacuation. Il tenait le taille-hé sur ses genoux, mais les piles étaient à plat. Les os s'avéraient, en fin de compte, plus résistants que les branchettes. Il avait toujours les cheveux dressés en mèches raides et de guingois sur la tête. Des traces brillantes de sang lui striaient le front et les joues, Il avait les yeux écarquillés, mais le regard presque totalement vide, expression qui évoquait, pour O'Bannon, les camés aux drogues les plus dures. Bordel de Dieu, le type avait raison, il a dû tuer sa femme. En tout cas, il a tué quelqu'un, mais où est le corps ? Il jeta un coup d'œil en direction de la baignoire. D'où il se tenait, il ne pouvait en voir l'intérieur, endroit le plus vraisemblable pour le cadavre, même si c'était le seul de toute la pièce qui ne fut pas dégoulinant de sang. « Monsieur Mikla ?» Le policier ne pointait pas son arme directement sur lui, mais elle n'en était pas très loin. « Oui, c'est moi, » répondit Howard d'une voix creuse et d'un ton courtois. « Howard Mikla, expert comptable à votre service. Vous êtes venu utiliser les toilettes ? Allez-y, il n'y a plus rien qui puisse vous gêner. Je crois que le problème a été réglé, du moins pour le moment. Cela ne vous ennuierait pas de vous séparer de votre arme, monsieur ?»« Mon arme ?» Howard le regarda un instant, l'œil atone. « Ah, ça » dit-il en brandissant le taille-haie. Pour la première fois, le canon du revolver vint se mettre dans l'axe de l'expert comptable. « Oui, monsieur. »« Bien sûr, » dit Howard, qui, d'un geste indifférent, jeta le taille-haie dans la baignoire. Il y eut un claquement et le couvercle des piles sauta. « Ça fait rien, les piles sont à plat, mais... qu'est-ce que je disais à propos des toilettes ? En y repensant, je crois qu'il vaut mieux en déconseiller l'usage. »« Ah bon ?» Maintenant que l'homme était désarmé, O'Bannon ne savait pas trop comment procéder. Tout aurait été beaucoup plus facile s'il avait vu la victime. Il se dit qu'il valait mieux lui passer les menottes et appeler des renforts. Une chose était sûre, il lui tardait de sortir de cette inquiétante salle de bain avec sa terrible puanteur. « En effet, » reprit Howard, « après tout réfléchissez. On compte 5 doigts sur une main, sur une seule main en plus. Et vous êtes-vous déjà demandé combien de trous dans une salle de bain ordinaire communiquent avec le monde souterrain ? En comptant les trous des robinets, j'arrive à un total de 7. » Il se tut un instant puis ajouta, « 7 est un nombre premier, autrement dit un nombre qui n'est vite divisible que par lui-même et par 1. » « Vous voulez me tendre les mains, monsieur ?» demanda O'Bannon en décrochant les menottes de sa ceinture. « Vie prétend que je connais toutes les réponses, » continua Howard, mais elle se trompe. Il tendit lentement ses mains au policier. O'Bannon vint s'agenouiller devant lui et referma vivement l'une des menottes sur le poignet droit de Howard. « Qui est Vie ?»« Ma femme. » Il avait répondu en regardant directement le policier dans les yeux avec une expression vide et neutre. « Elle n'a jamais de problème pour aller dans la salle de bain quand il y a quelqu'un d'autre, voyez-vous. Elle pourrait probablement y aller avec vous, ici. » Une idée atroce, mais démoniaquement plausible, vint à l'esprit d'O'Bannon. Que ce petit homme étrange avait tué sa femme avec son taille-haie, puis avait ensuite dissous son corps avec du débouche canalisation. Tout ça parce qu'elle refusait de sortir de la salle de bain lorsqu'il voulait aller purger le dragon. Il fit claquer la deuxième menotte. « Avez-vous tué votre femme, monsieur Mikla ?» Un instant, Howard parut presque surpris, puis il retomba dans son étrange état d'apathie. « Non, répondit-il. Vie est chez le docteur Stone. Ils ont une extraction de toute la mâchoire supérieure à faire. Vie dit que c'est un sale boulot, mais qu'il faut bien que quelqu'un le fasse. Pourquoi l'aurais-je tué ?» Maintenant que le type avait les menottes, le policier se sentait un peu mieux, avait l'impression de contrôler un peu plus la situation. « Eh bien, on dirait que vous avez zigouillé quelqu'un. »« C'est juste un doigt, » dit Howard, qui avait gardé les mains tendues devant lui. Des reflets de lumière couraient sur la chaînette qui reliait les menottes, comme du vif argent. Mais une main a plus d'un doigt. Et le propriétaire de la main... Vous y avez pensé, au propriétaire de la main ? Des yeux, il se mit à parcourir la salle de bain qui avait retrouvé sa pénombre depuis un moment et que des ombres de plus en plus profondes envahissaient. « Je lui ai dit de revenir quand il voulait, » murmura Howard, « mais c'était de l'hystérie. J'ai décidé que je n'en étais pas capable. Voyez-vous, ça pousse. Ça pousse quand ça entre en contact avec l'air. » Il y eut soudain un bruit d'éclaboussure dans la cuvette fermée. Les yeux de Howard se tournèrent dans cette direction, ceux d'O'Bannon aussi. Le bruit se renouvela. On aurait dit qu'une truite venait de sauter là-dedans. Non, à votre place, je ne me servirais certainement pas de ces toilettes. Je me retiendrais si j'étais vous. Je me retiendrais autant que possible et ensuite j'irais dans la contre-allée derrière l'immeuble. O'Bannon frissonna. Contrôle tes nerfs, mon vieux, contrôle tes nerfs, ou bien tu vas devenir aussi cinglé que ce type. Il se leva pour aller vérifier ce qui se passait dans les toilettes. Mauvaise idée, lui lança Howard. Très mauvaise idée, même. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici, au juste, monsieur Mikla ? Demanda le policier. Et qu'avez-vous mis dans les toilettes ? Ce qui s'est passé, c'était comme... La voix de Howard mourut et il commença à sourire, un sourire de soulagement, même si ses yeux ne cessaient d'aller vers le siège des toilettes. Comme Jeopardy. En fait, comme la finale de Jeopardy. Dans la catégorie inexplicable, la réponse finale est « parce que tout est possible », mais savez-vous quelle est la question finale ? Fasciné, incapable de quitter son interlocuteur des yeux, l'officier de police O'Bannon secoua négativement la tête. « La question finale, » reprit Howard d'une voix enrouée à force d'avoir crié, « est celle-ci. Pourquoi des choses horribles arrivent-elles parfois aux personnes les meilleures ? Voilà la question finale de Jeopardy. Elle va demander beaucoup de réflexion, mais j'ai tout mon temps, tant que je me tiens à l'écart des trous. » Le clapotis se reproduisit, plus fort cette fois. Le siège des toilettes englué de vomissures rebondit avec un claquement brutal. L'officier de police O'Banion se leva et alla se pencher dessus. Howard le suivit des yeux, non sans intérêt. « Finale de Jeopardy, monsieur l'agent. Combien souhaitez-vous miser ?» O'Banion réfléchit un instant, puis saisit le bord du siège et misa le paquet. Et maintenant, la même scène dans l'adaptation. Oh my god. Did you come to use the toilet? Go right ahead. The problem's taken care of. What problem is that, sir? You know, there are five fingers on a hand. That's only one hand, mind you. Have you ever considered how many holes there are in the modern bathroom? Would you put your hands out for me, sir? There's a sink and a toilet and the overflows and the tub and there's always another hole. Whose blood is this, Mr. Mittler? That's the fingers. Whose finger? It's a good question. You know, on second thought, I would recommend most strongly against using the toilet. If I were you, officer, I'd hold it as long as I possibly could. What's in there, Mr. Mittler? Oh, I like game shows. But you know, there's one question you really never ask. You know, why all these terrible things? You know, like murder and robbery, you know, and fingers in the drain. Happen to the nicest people. That's a bad idea. Voilà, donc je te laisse expliquer pourquoi on a choisi cette scène, Chris. Bah déjà pour montrer à quel point l'adaptation réussit à, entre guillemets, se débarrasser, parce que le mot débarrasser est un peu fort, se débarrasser de ce qui ne lui est pas utile à elle-même, pour en faire quelque chose de bien plus agréable à suivre et à visionner. Et je pense que l'exemple choisi est plutôt bon, parce que oui, l'ensemble du dialogue dans la version écrite est plutôt bien mené, est plutôt bien écrit, et il se lit très bien. Autant, dans une adaptation, ça aurait été vite un peu redondant d'uniquement voir un long dialogue de 4-5 minutes, format série télé, quoi. Bah oui, c'est ça. L'avantage, c'est que dans la nouvelle, ça permet de faire monter l'attention, de se demander ce qui se passe, de se demander aussi comment le policier va réagir, parce que on voit toute la scène de son point de vue, alors que le reste de la nouvelle était de celui de Howard. Et effectivement, il débarque dans un endroit plein de sang avec un mec qui a certes une arme pas bien dangereuse, c'est un taille A, mais une arme quand même à la main. On peut largement se demander ce qu'il a fait, et on peut se dire que peut-être il va partir, ça va dégénérer cette histoire-là, et que Howard va encore plus être victime de la situation qu'on aurait pu l'attendre. Du coup, c'est bien d'avoir changé le point de vue, je trouve, sur cette fin de nouvelle. Oui, totalement. Et en effet, l'adaptation fait le même changement de point de vue. On va soudain, à un moment, il y a une coupe, et on se met à suivre la policière quand elle traverse le couloir et quand elle arrive dans la salle de bain. Ça marche vraiment bien, en effet. Et avec ce choix du plus spectaculaire à la toute fin, comme on l'a déjà signalé, qui permet de mieux conclure pour une série de ce genre, et même pour quelque chose de visuel en général. Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Et changement de point de vue, et même limite changement de ton, sur à partir du moment où on est avec la policière, parce que même dans la série, même dans l'adaptation, la musique n'est pas la même, c'est un peu plus lourd, tu sens qu'il y a vraiment une rupture dans l'ambiance qui est faite jusqu'au moment où elle arrive dans la salle de bain et où on retourne sur du slapstick, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, une adaptation plutôt maligne qui fait, je trouve, les bons choix dans ce qu'elle garde et dans ce qu'elle ne garde pas. Mmh. bien, voici l'heure du classement. Comme d'habitude, je m'occupe des écrits, c'est-à-dire les romans et les nouvelles, et mon camarade s'occupe lui des adaptations, films, épisodes de séries télé intégrale même, hein, on en a abordé une il y a 15 jours et c'était chiant comme la mort, bref. On n'a pas abordé une série intégrale, on a abordé une saison de série. Oui, une saison de série, pardon, excusez-moi. Je devais en voir une de plus, je mourrais. Hein. Les 5 premiers du classement des écrits Sacdos, Cimetière, Ça, Charlie et Histoire de lycée. Ce top 5 n'a pas changé depuis maintenant de nombreux épisodes. Ouais, depuis Histoire de lycée, c'est ça le dernier entrée, je crois. Oui, il me semble bien, oui. Et le flop 5 étant L'année du loup-garou, Dr. Sleep, le cinquième quart, Grand chauffeur et les Tommyknocker. Et lui, le dernier étant rentré, il me semble que c'est les Tommyknocker, si je ne dis pas de... Oui. D'erreur. C'est ça, et bon, pareil, ça commence à remonter un peu, les Tommyknockers. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu de trucs trop catastrophiques. Il me semble que ça a été abordé l'année dernière, les Tommyknockers. Ouais, c'était le 89e épisode, les Tommyknockers, je viens de voir. Alors, où placer le doigt télescopique tac, tac, tac. Déjà, comparons avec de la nouvelle du même recueil, la Cadillac de Dolan. Ouais. Et ben, c'est mieux que la Cadillac de Dolan, je tiens à le dire. Ouais, bah toi tu disais que c'était un peu dans la même ambiance que le Dentier Claqueur, donc c'est celle-là que j'étais en train de chercher. Bah il est bas le Dentier Claqueur, il est 61e. Ah ouais, il est vraiment bas effectivement. Ouais. Je pense qu'on a été un peu sévère. Oui, il y avait des longueurs en même temps dans le Dentier Claqueur, mais... c'est vrai. Ouais. Mais donc c'est mieux que la Cadillac de Dolan qui est 49e. Ouais. J'aime bien la morale du... et même la nouvelle du Grand Bazar Final, mais je pense que je préfère quand même le doigt télescopique au Grand Bazar Final. Donc, qui est 45e. Oui. Oui, effectivement. Je pense que je préfère Poste de Nuit aussi, tu vois. Oui, mais Poste de Nuit, c'est pas dans Danse Macabre plutôt ? Si, si, mais bon, vu que c'est juste. Ah, oui, voilà. C'est oui, pour c'est... dire. Par contre, oui. Et je préfère Poste de Nuit, c'est vrai. Et quoi qu'il en soit, ça aurait pas dépassé Le Rapace Nocturne, qui, lui, est dans Rêve et Cauchemar. Et quoi qu'il en soit, c'est beaucoup mieux, Le Rapace Nocturne. Ouais, Le Rapace Nocturne, c'est vraiment bien, ouais. Mais effectivement, entre Poste de Nuit et Le Grand Bazar Final, ça me va bien comme place. D'accord, bah ça me va. C'est vrai que Poste de Nuit propose vraiment, pour le coup, un récit un peu plus horrifique. Ouais, c'est plus nettement horrifique. C'est... Ah bah, comme l'entièreté de Danse Macabre, tu me diras. Globalement, ouais, c'est beaucoup plus de l'horreur pulp Danse Macabre. Donc, Le Doigt Télescopique prend la nouvelle 45e place entre Poste de Nuit et Le Grand Bazar Final. C'est dans une zone où il n'y a quasiment que des nouvelles. Oui. Plutôt fun à lire. Voilà. C'est ça, des nouvelles appréciables. Les adaptations, il y en a 107 de classées pour le moment, avec aux 5 premières places un top 5 qui n'a pas bougé depuis très longtemps. Carrie au bal du diable de Brian De Palma, Chambre 1408 de Michael Avstrom, No Smoking d'Anurag Kashyap, Dead Zone de David Cronenberg et Shining de Stanley Kubrick. Et un flop 5 qui, lui non plus, n'a pas bougé depuis un bon moment. Il y a des trucs qui s'en sont approchés, mais sans l'atteindre. Children of the Corn Genesis de Joël Soisson, The Mangler Reborn d'Eric Gardner et Matt Cunningham, Doctor Sleep de Mike Flanagan, You Can't Kill Stephen King de Ronnie Khalil, Monroman et Jorge Valdasiga, et Room 237 de Rodney Asher. Tuez-moi ! Et donc, cette adaptation, Le Doigt Télescopique, bah déjà, en fait, on va remonter et regarder tous les trucs chiants. pour moi, c'est nettement mieux. On prend souvent la Cadillac de Dolan comme référence, voilà. Et pour moi, c'est mieux que la Cadillac de Dolan, qui est 76e ici. Ça va au-dessus, on est d'accord. Et même si ça dure que 20 minutes, bah, hein, c'est quand même mieux que Monsieur Mercedes saison 1. Allez, hop. Ouais. Bah là, j'ai un autre truc de 20 minutes, tu vois, dans une série similaire, et c'est... Désolé, bon numéro, en 66e. En 66e, désolé, bon numéro, et je préfère effectivement Le Doigt Télescopique. Bah, pareil. Bon, c'est même mieux que l'adaptation de Quand l'autovirus met capot d'or. Ouais, bah, que Dreamcatcher, ça, et Peur Bleue aussi. Voilà. Que Le Carré de David Carson. C'est même mieux que... On peut même remonter, là, pour le coup, jusqu'à Couple Modèle. Hein. Je préfère ce qu'on vient de voir que tout ça. Hein. Ouais, je suis d'accord. Au-dessus des Vampires de Salem, du Démon du Maïs 7. Ouais, de Cimetière 2 aussi, pour moi. D'un tour sur le belly des Cimetières 2, je trouve ça moins bien. À la limite, à partir du cobaye et de la nuit déchirée, là, on peut commencer à se dire, ah, bon, là, il commence à y avoir du vrai qualitatif, même si c'est pas ouf non plus. Bah, il a l'avantage, en fait, d'être court et donc d'aller vraiment au plus efficace. Hein. Donc, moi, je pense qu'il va remonter encore quelques places. Bah, et si on le mettrait pas, pour la symbolique, après, on peut regarder s'il y a mieux, s'il y a des trucs plus chiants en haut, mais on fait pareil que pour le classement écrit. On le met au-dessus du grand bazar final. Bah, en plus, c'est la place que j'avais suggérée, parce que pour le coup, celle, je commence à avoir vraiment de l'affection pour le film, même s'il n'est pas très bien. Oui, bah moi, j'aime pas du tout, tu le sais. Ouais. Tu sais pas ce qui est bien. Ah, bah si, je sais que la dernière affaire de mai, c'est mieux, par exemple. C'est mieux que celle. Et puis, j'ai toujours préféré Freezer. Oh, joli. Ceci dit, je suis d'accord, l'arc Freezer est mieux. Même si l'arc de Boo est encore mieux. Oui, non, mais c'est vrai que pour le coup, j'aime beaucoup l'arc Boo aussi. Hein. Ouais, je trouve que c'est un des meilleurs. On a totalement dérivé. Non, mais oui, d'accord. Entre le grand bazar final et celle, le bouffeur de cyborg, là. Donc, le doigt télescopique prend la nouvelle 44e place entre celle de Todd Williams et le grand bazar final de Michael Salomon, un épisode de Rêve et Cauchemar, la série, justement. Tu fais, voilà, on est dans une zone où c'est plutôt agréable à voir. Ça mange pas de pain, c'est sympathique. Voilà, c'est ça. Voilà. N'hésitez pas à prendre 20 minutes pour faire ça. Très bien, nous allons procéder au tirage au sort pour les deux prochains épisodes. Je crois que c'est à moi de piocher le premier. Ouais, je crois que c'est moi qui avais fait l'erreur de piocher Monsieur Mercedes la saison 2. Donc je mélange. Et j'ai un papier. Ah, ça faisait longtemps. Les démons du maïs 2, le sacrifice final de David Price. Ah. Hein, comment ça, 2, le sacrifice final? Comment ça, 2? Comment ça, le final? Oui, bah écoute, il y a eu beaucoup de finales. Voilà, ah, c'est... effectivement, oui. Ah oui. Écoute, c'est comme ça. Et je mélange pour toi. Oui. Il sera peut-être bien. Je l'ai déjà vu. Il est pas bien. Ça tombe bien, Rémini va sortir un coffret. Ah oui, bon, c'est vrai, on a oublié de le citer dans les actualités du dernier épisode. Rémini va sortir un coffret avec les trois premiers démons du maïs. Offrez-le-nous, ils en auront vendu au moins un comme ça. Oh la vache. Bah non, c'est nous l'offre, ils l'auront pas vendu. Et on peut faire les commentaires. Allez. Nous. Je mélange. C'est vrai, c'est vrai. Allez, stop. Alors, j'ai un papier. Ah bah, ça va être un autre chef-d'œuvre. Le Diable des Glaces de Daniel Zellick-Bert, la deuxième suite de Vengeance Diabolique, donc Vengeance Diabolique 3, du coup. Là, pour le coup, ceux-là, on les a fait dans l'ordre, parce qu'on a déjà abordé les deux premiers. C'est marrant. C'est marrant. Et par contre, apparemment, celui-là n'a vraiment plus rien à voir. Quoi. Le deuxième, il y avait encore une légère substance. Ah, pourtant, avec un titre comme Le Diable des Glaces, moi, je m'attends à un truc proche. Hein. Ah oui, je m'attends à un énorme chef-d'œuvre. Donc, on va enchaîner deux suites de nouvelles et deux sagas qui sont pas réputées pour être parmi les plus qualis. Hein. De merde. Je croyais que t'allais dire. On va enchaîner deux grosses. Peut-être. On va pas vendre la peau de l'ours avant l'avoir tué. On va pas anticiper. Voilà, on va garder l'esprit ouvert. Si ça se trouve, Le Diable des Glaces, c'est vachement bien. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Jusqu'à ce qu'ils nous sortent une suite aux doigts télescopiques. Après tout, il y a 5 doigts sur une main. Ouais. On peut faire 5 suites. Enfin, 4 suites. On peut même en faire 9, il y a 2 mains. C'est et vrai. On peut rajouter les doigts de pied. Faire... Voilà. Et si tu peux même faire une version porno, mais on va s'arrêter là. Ouais. Après, ça, c'est Rule 34. Tu fais une version. Les versions porno de One Piece, à mon avis, ils se font plaisir, les mecs. Oh là, oui, à mon avis, ça. Voilà. Maintenant que j'ai de quoi illustrer vos cauchemars. Un bon programme pour la prochaine fois. Ouais, oui, là, je sens qu'on est sur les adaptations avec beaucoup de budget, beaucoup d'implications. Je sens qu'on est vraiment dans ce qu'on découvre de meilleur dans ce vidéoclub, en fait. Ah oui, oui, oui, oui. C'est le cas, c'est le cas, c'est le cas. Est-ce qu'on n'en profiterait pas pour dire que potentiellement, le rythme du vidéoclub va commencer à diminuer un peu ? Oui. Alors, ce sera probablement plutôt à la rentrée, donc après les deux épisodes qui vont venir. Voilà, c'est juste qu'on vous prévient parce qu'on est poli. Voilà. Mais ce n'est pas parce qu'on va faire moins de podcasts, c'est parce que bah, le chapeau diminue, il y a de moins en moins de choses, on s'approche de ce qui sera la fin du Vidéoclub, donc on s'est dit autant voilà. Ralentir le rythme pour que ça dure plus longtemps, pour et surtout que rajouter plus de nouveautés. Voilà, et puis pour être honnête, il y a vraiment, parmi les nouveautés qui arrivent, il y a des trucs qu'on a vraiment envie de voir, quoi, pour le coup. Ouais. Et de pourquoi pas traiter, typiquement, le Running Man d'Edgar Wright, on a envie, quoi. Ouais, c'est ça. Pareil, la série L'Institut me rend un peu curieux. Enfin, on vient d'annoncer une adaptation de La Petite Fille qui voilà. Aimait Tom Gordon qui repart. Et ça, j'aimerais vraiment beaucoup. Et puis, donc, pour le coup, autant ralentir un peu. Puis pour le coup, on aimerait bien quand même cracher notre haine sur Welcome to Derry. Parce qu'il y a des chances que ça soit de la grosse merde. Ouais. Et puis, il y a plein de trucs de Flanagan qui arrivent aussi. Et ça aussi, on a envie de rager dessus. Donc... autant ralentir un peu le rythme, mais du coup, on va lancer cet autre projet de podcast dont vous avez déjà parlé. Alors, c'est encore en cours de réflexion, donc il n'y a pas de nom, il n'y a rien pour le moment. Je te laisse le présenter parce que c'est plutôt ton idée, celui-là. Alors, ça sera plutôt mon idée, mais du coup, ça sera quand même toi qui continuera à faire le host. Mais ça sera cette fois-ci un podcast qui se concentrera sur les attaques animalières, donc les films d'attaque d'animaux, c'est-à-dire... pour citer les plus connus, hein, les dents de la mer, les oiseaux, arachnophobia. C'est quoi les dents de la mer? Arachnophobia, qui est très... Arachnophobie même, pourquoi arachnophobia? Arachnophobie, qui est un excellent film d'ailleurs. Razorback, oui. Je pense que voilà, on va... ça c'est pour les plus connus, hein. Après on parlera très sans doute aussi de comment il s'appelle ce nanar là, avec des oiseaux robotiques là. faudra voir s'il y entre, mais Birdemic. Ah, Birdemic, voilà. Mais voilà, on est en train de discuter de ça. Donc vraiment, attaque animale, pas attaque de monstre. Oui, voilà. Pas de Godzilla. Et on fait la distinction. Alors, on entrera plus dans les détails pour le premier épisode. Mais on fait une vraie distinction entre les attaques animales et les attaques de monstres. Typiquement, King Kong, ce n'est pas un film d'attaque animale. Pour en avoir déjà parlé entre nous. Voilà. Le but, on peut le dire tout de suite, ce sera d'essayer de mettre des films pas que américains. Donc on va faire des recherches justement pour tout de suite proposer dans notre corpus des films venus d'un peu partout, histoire de diversifier un peu ce qu'on regardera de toute façon. Des films d'attaque de fourmis géantes chinois, ça va être passionnant. Ouais, si vous en avez des un peu improbables dont vous dites que c'est un peu inconnu mais que ça mérite d'être vu, n'hésitez pas à les suggérer dans... dans les commentaires, dans le Discord, etc. On est preneur de suggestions parce que, bah, contrairement à King, où c'est un corpus terminé, les films d'attaque animale, c'est quasi infini. Enfin, il y en a des centaines et des centaines, on les fera jamais tous. Ah oui, voilà, l'émission s'arrêtera bien avant, quoi. Voilà, c'est ça. Mais donc, n'hésitez pas à faire des suggestions. Voilà. Et bah voilà, je pense que ce sera bien sympa. Oui, ça, c'était soit ça, soit un podcast Jean-Pierre Mocky, mais du coup, ça aurait été moins long. Oui, et puis il aurait fallu faire de la pub à ESC en plus. Oui, en plus. Donc voilà le programme, on vous en reparlera quand ça se précisera à la rentrée, mais je pense que ça va être sympa de commencer ça. Oui, ça va être rigolo, je pense aussi. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. @ cinéma archiviste pour toi sur Blue Sky, @christ-6 The Lost Tales pour moi également sur Blue Sky. Vous pouvez nous retrouver sur Discord, sur Twitch, on a les mêmes pseudos un peu partout. Et dans mon cas sur YouTube, où je fais des vidéos sur le ciné asiatique, là je parle de monstres et de Godzilla, justement. Oui. Tout est complémentaire. Le roi des monstres. Et du coup, nous, on se retrouve dans ce podcast dans 2 semaines pour parler des Démons du Maïs 2 et dans 1 mois pour parler de Vengeance Diabolique 3, le Diable des Glaces. Putain, mais rien que d'y penser, quoi. Je suis mort de rire. Ouais, je sens que ça va être bien. Et en attendant, n'oubliez pas... Et le vidéoclub de Castle Rock est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. À plus. Salut.